son puissant car génétique marin pur sang. Puis sur play, c'est sûr que c'est plaisant. Vu que je suis un mec dans l'excès, excellent comme extase. Pas de texte naze, expose le contexte sur un son impec. Même si je m'expose, de toute façon, je prends le risque. Sinon, je verrai pas ma vie sur le sillon. Certains pensent que j'y arriverai pas. Ils disent que mon son ne le fera pas. Ils ne veulent pas de mes forces de frappe. Gringo, moi quand je rappe, ferme ton clapet. Je finirai pas dans la trappe. Tu veux jouer, alors rattrape la cour des miracles. Ça fait du bruit. Si tu l'écoutes, comprends bien mon esprit. Je maintiens le cap. Si tu trouves que ça éclate, c'est mission accomplie. Alors, MC, de toute façon, une chose de sûre, faut que ça claque dans les enceintes de tes potes. Signé Felipe, accro de hip hop. Allez, viens, cousin. On n'est pas là pour glander. On arrive et fait trembler. On arrive pour tout niquer. Qui t'a planté? Ça, c'est le plan B. C'est le plan vrai. Chavez, rappeur sensé. Qui verra si les rimes mal interprétées. MC, du cadeau qui veut percer. Bad boy, bad boy. Les bad boys de synthé. Nous, on est nés sous le soleil. On n'est pas fatigué. Bad boy, bad boy. Les bad boys de synthé. Que les miens, si ça va pas, je sortirai mon gourdin. Chavez Production, moi je rappe en studio. Mais bon, c'est pas gâché. All Star, la chapelle, la maison. La mission sur 16 mesures. Donc déconne pas, faut pas que ça ricane. On défouraille de Saint-Étienne à Lyon. Vas-y, scratch ta vie. Leur fabricant du style du son pur pour tous. S'il faut, viendra, verra. Restera du sang pour que le dernier des soldats ne soit jamais sali. Elle est gage dédicace. Mon hip-hop venu de la Caillé. Venu de la Colombie, Chico la Caillé. Ferme les langues de pute sur cette terre. Chavez, c'est la bombe. Même si t'aimes pas les gars du secteur. Et surtout, ne crois pas qu'on force. Quand on me dit vas-y, fais-le. Fais le bordel tout en nous mettant cool. Mec, t'es bien calé. Dans ce cas-là, je peux déballer. Parfois, un MC du K2 qui veut percer. Bad boy, bad boy. Les bad boys de Saint-Élo. On est né sous le soleil. On n'est pas fatigué. Bad boy, bad boy. Les bad boys de Saint-Élo. Jusqu'à l'heure, n'importe quelle heure. On t'avait jamais dit qu'en fait, ma zéclador. Ok, normal, le cador. L'aptador qui fait péter les radars. Rappeur jusqu'à pas d'heure. L'important, c'est que je manque pas d'air. Jamais plus limité, frère. Siempre au bébé. Quand il faut discréditer l'info, retranscrire de vrais faits avec le minimum de défauts. T'asphyxie sur les hippies. L'artifice, c'est la fatalité qu'il fallait fixer. Je vais me hisser à leur cocu. J'ai des huissiers, l'impression d'être pris dans leur filet. En fait, ça fout les boules, mais bon, mec. Moi, je m'y mets, ces rappeurs, 7 jours par semaine. Comme si j'avais un 33 jours à signer 8 pistes. Plus instrumental, plus beat. Et ça donne 16 mesures. À qui je me mesure, 4 piges, j'ai plus trop envie de rire. Si t'es pas d'accord, t'es con. Trop de merde dans les packs, dans les Fnac. F-Rolo, j'ai le flow qu'il faut. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse, c'est normal. Je compte mes comptes, musique dans les oreilles. Ici on vit comme des fous, j'ajoute de l'encre à la poésie. Trop d'hypocrisie qui nous entoure. Retiens bien qu'ici on est des bonhommes. Si ça part en couille, tu mangeras le cœur de la pomme. Entre rêve et réalité, faut se fixer à une idée. À la vie, c'est fatalité. Je coche toutes ces banalités. J'ai branché sur un son bonne qualité. Écoute mon bruit et tu comprendras de mental. Faut les bonnes nous inviter, encore moins nous irriter. Coronesse sans pitié, c'est la lune que je viens voler. Des rimes par milliers, posées, siempre OP. Un bon son puissant car génétique, marin pur sans appui sur play. C'est sûr que c'est plaisant vu que je suis un mec dans l'excès. On n'est pas là pour glander, on arrive et fait trembler. On arrive pour tout niquer, qui t'a planté? Ça c'est le plan B, c'est le plan vrai. Chavez, rappeur sensé, qui verra si les rimes mal interprétées. Un MC du K2 qui veut percer. Bad boy, bad boy. Les bad boys de Saint-Té. Nous, on est né sous le soleil. On n'est pas fatigué. Bad boy, bad boy. Les bad boys de Saint-Té.